Un mâle, chapitre 3. C'était un vrai fils de la terre, comme l'écorce des arbres. Sa peau rude s'était durcie au soleil et au gel. Il tenait du chêne par la solidité de ses membres, l'ampleur épanouie de son torse, la large base de ses pieds fortement attachés au sol. Et sa vie au grand air avait fini par composer en lui un être indestructible qui ne connaissait ni la lassitude ni la maladie. De son vrai nom, il s'appelait Hubert. Il était le plus jeune des trois garçons ornus, et sa mère l'avait mis bas pendant une halte en forêt, au milieu d'un campement. Au coup de gueule qu'il avait lancé en naissant, le père avait reconnu sa race. Les ornus étaient de grands gaillards, ne craignant ni Dieu ni diable. Et il avait poussé à la vie d'un jet vigoureux, avec une indépendance de jeune fauve. Des mains calleuses le prenaient bien par moments, lui imprimait la secousse d'un bercement brusque. Ses yeux sauvages voyaient alors des visages boucanés et durs comme la souche qui sert à faire le feu des pâtres. Mais le plus ordinairement, il demeurait couché l'hiver dans les feuilles sèches et l'été dans les touffes d'herbe, sans autre chanson que le vent bourru ou assoupi selon les saisons. Sa chair nue mordue par les mouches, frôlée par les bousiers, tannée petit à petit par le soleil. Un après-midi, les ornus le déposèrent sous un arbre, dans une litière de mousse tiède. Ayant acharié un fait de fagot chez un paysan, ils l'avaient mis là à la garde du soleil. Ils étaient revenus 3 heures après et n'avaient plus trouvé l'enfant. Lentement, sans inquiétude, sûr qu'il n'avait pu être dévoré par une bête, ni dérobé par un être humain dans cette profondeur des bois, habité seulement par les lapins et les geais, ils avaient battu les alentours. L'enfant s'était traîné sur le ventre et les mains, s'aidant des racines et des branches basses du taillis jusqu'à un trou creusé dans le talus. Quelque chose en était sorti qui l'avait rendu curieux, un gibier roux, pareil à celui qu'apportaient quelquefois son père et ses frères. L'animal, à petit bond un instant, avait couru dans l'herbe, puis était rentré, et Hubert s'était poussé jusqu'au terrier, étonné, ravi, guettant ce joujou sauvage, avec un tremblement de tout son petit corps. Ses parents le retrouvèrent sur la pente du talus, les épaules enfoncées dans la cavité. Il avait 15 mois. Ce fut comme l'annonce de sa passion pour les bêtes. La vue d'une peau de lapin bientôt lui fit tendre les bras avec avidité. Il geignait pour la voir, battait l'air de ses poings, était pris de convoitise farouche devant cette douceur chaude du poil. Il fallait la lui abandonner. Ses dents aiguës pointaient alors dans un sourire. Il saisissait la peau, en arrachait la toison par touffe, montrant une sorte de gaieté féroce à tourmenter ce morceau inerte d'une ancienne existence. Le bûcheron ornu, vieillard sec et maigre, planté sur ses hauts fuseaux qui craquaient aux jointures, riait d'un large rire muet en voyant ce goût de la destruction. Et par moments, se laissant aller à une confidence, disait que le petit bougre ferait, à coups de hache et de couteau, son chemin dans la vie. Pour cet homme qui avait passé sa pleine vie dans les solitudes, côte à côte avec sa femelle, prenant le boire et le manger où il le trouvait, sans notion du bien et du mal, mais jugeant vaguement que la terre était à tous, comme l'air, la pluie et le soleil, le fait d'être redouté pour sa force et sa ruse était une supériorité. Lui-même n'aurait pas fait grand cas de la vie d'un homme, seulement il n'avait pas été dans la nécessité de tuer, et son écrasement social l'ayant rendu dissimulé, sans l'acheter toutefois, il vivait d'une vie sournoise, heureux de penser que son fils Hubert n'aurait pas ses scrupules et ferait au besoin le coup de feu contre ceux qui l'empêcheraient de vivre à sa guise. Hubert fut, très jeune, un dénicheur de nids terrible. C'était un jeu pour lui de monter aux arbres, de grimper dans les branches de se hisser au plus haut et, balancé par les roulis du vent, de guetter sa proie dans l'enfoncement des troncs. Il redescendait, embrassant l'arbre d'une main, l'autre main emplie d'un pépiment d'oisillons, et, par une ondulation lente, avec des mouvements de reptile qui se déroulent, il se laissait couler jusqu'en bas, retombé sur ses pieds sans avoir dérangé la couvée. Plein d'astuces, il avait fini par connaître les habitudes des espèces aussi nettement qu'il connaissait les cinq doigts de sa main. Il savait quand les mères vont à la provende, le temps où elles conçoivent, celui où elles ont fini de couver, supputant à un nid près ce qu'il y avait de plumes dans un large rayon d'arbre. Sa chasse faite, il la portait à sa mère. Elle prenait les oiseaux, leur tordait le cou, les mettait à cuire sur un feu de bois. Leur maigreur fondait en une goulée sous la dent vorace des hornus. Il chassait aussi aux mouches, aux papillons, aux hannetons, les écrasant, leur arrachant les ailes, en faisant de grands carnages. Tout ce qui était vie remuait en lui des acharnements sourds. Une aile dans l'air, un rampement dans l'herbe, un passage brusque de gibier le trouvait prêt à la poursuite. Quand on était proche d'un étang, il allait se poster dans les roseaux, y demeurait des jours entiers, rigide, muet, uniquement occupé à gauler des grenouilles. À chaque éclair de leur dos vert, la verge s'abattait, faisait jaillir l'eau, et elle s'aplatissait, les cuisses gigotantes, leurs gros yeux ronds pleins de stupeur. D'autres fois, pour varier ses plaisirs, il les pêchait avec de petits lambeaux d'étoffe rouge pendillant à une ligne, s'amusait prodigieusement de les voir sauter après la loque, et lorsqu'elles étaient accrochées, de les tirer à lui brusquement. Il les achevait d'un choc sec de leur tête contre une pierre, une souche ou l'angle de son sabot. Et il en tuait ainsi dans les bons jours un cent ou deux. Il avait déjà les ruses du chasseur. Il marchait sur la pointe des pieds, levant haut les jambes de peur du bruit, s'immobilisant des heures à guetter sans bouger. La proie apparut, sa décision était aussi forte que sa prudence. Il frappait d'un coup net qui ne pardonnait pas. Ce furent ses commencements. Il vivait de la large liberté du plein air, filant matin, rentrant de nuit et quelquefois passant le temps du sommeil à battre les bois. Très peu chez ses parents, qui le laissait vaguer, indifférent. Les hornus habitaient pendant l'hiver une masure bâtie en torchis à la limite d'un bois. Une lucarne fichée de travers dans le mur laissait pénétrer un petit jour glauque dans une pièce à plafond bas, coupée de travées demi-pourries, par-delà lesquelles s'étendait le grenier, avec ses cadres de bois bourrés de feuilles sèches où couchaient les garçons. À l'arrière de la maison, un appentis servait à remiser les haches, les cogniers et les pics. L'été, l'habitation se vidait. On descendait au cœur des bois et l'on y construisait des huttes ourdées de glaise et tensonnées de baliveaux. Puis commençait loin des villages, dans la solitude des grandes coupes, une vie âpre de travail, détendue par de courts repos au soleil grillant de midi ou des sommeils à poings fermés dans la fraîcheur humide des nuits. Un peu de fumée montait au soir des souches qu'on allumait sur le pas de la porte pour y cuire la soupe aux légumes, et les visages se penchaient sur les écuelles, graves, ayant dans les plis du front l'effort de la journée. Quelques mots étaient échangés, brefs et sans gaieté, mais suffisants pour maintenir le sentiment de la famille. Durant le jour, les coups sourds de la cognée retentissaient seuls dans les silences énormes de la forêt. Cela durait jusqu'au brouillard d'automne. Le bois devint pour l'enfant une tentation de tous les instants. Il vivait dans les arbres et les buissons, mêlé à l'animalité qui les remplit. Il était lui-même un jeune animal, nourri des sèves de la terre. Le soleil frappait accru son épaule, la pluie le transperçait. Il rôdait dès l'aurore, les pieds meurtris par les ronces, insensible aux déchirures de sa chair, déjà grand à 12 ans, comme un garçon qui en aurait 20. Comme douceur, il eut la rosée du matin qui rafraîchissait sa peau gercée, le bourdonnement du vent qui lui emplissait les oreilles d'une musique berceuse, la tombée de la nuit avec ses apaisements. et il éprouvait au milieu de ces choses une jouissance muette de tout son être. Pareil à l'arbre qui, de toutes ses branches à la fois, plonge dans les gloires du ciel et pompe le vent, la chaleur et l'ombre, insatiablement, il absorbait la nature dans la plénitude de sa vie. Ce vagabond était chez lui dans la forêt, sentant vaguement remuer quelque chose dans l'ombre. Il ne savait quoi, de la vie, des êtres, de la substance, et comme le frisson d'une création farouche et douce. Petit à petit, le massacre des oiseaux avait fait place à des massacres plus hardis. Le gamin se sentant pousser bec et ongles, s'armait à présent contre une proie moins souple, d'une poursuite virile. Il déserta les hautes feuillées, fouilla la profondeur des dessous de bois. Et comme il avait connu les nids, il connut les terriers. Il avait des malices de sauvage pour déjouer les ruses des bêtes, était extraordinairement patient et contemplatif, se raidissait comme un pieu pendant les silences de l'affût. Ses deux yeux farouches tournant seuls effroyablement, et une volonté tenace d'être le chasseur de ces rôdeurs de l'ombre entrait en lui. Chasser, c'était avoir un fusil. Des coups de feu partaient à l'époque des battues. Une fois, il vit rouler deux lapins sous une même décharge. Cela lui remua les moelles comme une volupté. Qu'un canon de fusil contint l'anéantissement de ce qui est la vie. Et en attendant, il se servait d'une fronde qu'il avait fabriquée et dont il jouait avec une sûreté implacable. Son bras nerveux imprimait une secousse rude à la machine qui tournait, ronflait, lançait la pierre droite au but. Puis, la bête s'abattait. Un spasme tordait son échine et il avait une palpitation d'aise à la voir ruer, paver, mordre l'air de la pointe de ses dents, s'allonger enfin d'un grand étirement qui avait déjà la forme du cadavre. Il tuait ainsi les belettes, les putois, les mulots, les lapins, les écureuils. Un jour, il faillit atteindre au front un chevreuil, mais la bête s'était alertement dérobée en se jetant d'un bond sur le côté. La pierre alla frapper un arbre d'un coup terrible qui secoua les feuilles. Et l'enfant était resté, pâle, les bras ouverts, sous l'émotion de cette magnifique robe brune et de ce corps bondissant d'une grâce humaine. Son désir d'avoir un fusil se réalisa enfin. Ne pouvant l'acquérir, il le déroba. Un paysan qui leur achetait du bois l'hiver possédait une carabine pendue tout le jour à un crochet dans l'angle de la cheminée. Il se cacha derrière une haie, attendit la sortie de l'homme et s'empara du fusil. Ce fut une joie pleine de surprise. Il le tourna, le regarda par en haut, par en bas, la gorge battante, émerveillé. Et tout à coup, comme il pressait la détente sans le savoir, la décharge d'un des canons partit et persilla d'une volée de plomb les feuilles d'un coudrier. C'était donc ça. Il garda jalousement son second coup pour une occasion. Elle se présenta le soir du même jour sous la forme d'une chevrette finement découplée. La bête traversait un ravin par petits bonds, la tête haute avec des rythmes légers de danse. Dans l'ombre verte plus loin, une troupe de chevreuils s'espaçait proche d'une mare, et une quiétude les tenait là, dans le frisson murmurant du bois. Il visa. Un fracas déchira l'air. À travers la fumée bleuâtre, il aperçut alors une galopée affolée, toute la bande se ruant droit devant elle. Et il resta, l'arme contre la joue, ne voyant plus, n'entendant plus, comme effrayé de sa puissance. Le trouble dissipé, il courut à l'endroit où il avait tiré. La chevrette avait détalé. Il avait manqué son coup. Il raisonna, se dit qu'il avait tiré trop bas, réfléchit longuement aux moyens de faire mieux. Et brusquement, un vacarme de voix s'éleva dans le fond du bois. Il entrevit des hommes se démenant, coupant à grandes enjambées dans le taillis. Et l'un d'eux, qui avait une carnassière à l'épaule et le fusil à la main, vint à lui, demandant s'il n'avait vu personne. C'était un garde. « Non, » fit le petit qui sifflotait entre ses dents, très calme. Leste comme la ruse, il avait caché son fusil sous les ronces. Et les hommes passèrent, ne se doutant pas que ce gamin était déjà un tueur. Il savait à présent bien des choses. D'abord, comment on se sert d'un fusil, le bruit que ça fait, les gens que ça attire. Et l'aventure remua cette cervelle énormément. Les gardes partis, il eut un rire en dedans. Il serait plus malin dorénavant. Il se procura de la poudre. Il tiraillait après les oiseaux, mais la poudre partait avec un bruit mousseux de fusée et sans blesser. Il y ajouta de la pierraille menue, et des morts tombèrent, rares, tandis que les survivants filaient secouant leurs plumes par dérision. Ce n'était donc pas suffisant encore. Et comme il s'abîmait dans des recherches, son père arriva et le vit coucher, son fusil près de lui. « Yes, » dit-il, « c'est pas avec la pierre qu'on chasse. Faut du plomb. » L'enfant qui s'attendait à une colère vit un attendrissement sur la face courroyée du vieux. Le père partit un dimanche pour la ville un peu avant qu'il fît jour, et, tout en cheminant, il s'émerveillait de ce vaurien précoce, sa chair et son sang. Même le bois l'entendit rire, farouchement gai d'une gaieté de solitaire. Et à midi il rentra, ayant de la poudre et des chevrotines. « Tiens, fieux, » dit-il à Hubert, « c'est pour t'amuser. Les chevreuils, ça va jusqu'à des 30 francs. Et les lièvres, on en donne des 4 ou même des 5. Mais il y a les gardes, les gendarmes, des canailles. Faut voir à voir. » Dès ce jour-là, l'enfant fut braconnier. Il tua pour de l'argent, après avoir tué pour son plaisir, faisant du massacre à temps la tête, et son adresse de tueur, augmentant d'année en année, il devint bientôt un ennemi redoutable qui enserrait dans le réseau de ses ruses les tanières et les terriers à plusieurs lieues à la ronde. À 20 ans, il déserta la forêt natale, gagna du pays, d'un saut léger franchissant la haie de clôture courte, ventrue, des boquillons de paysans s'élançant par-dessus les palissades qui faisaient le tour des bois de seigneurs. Les belles chasses gardées qu'il trouvait là le mettaient en joie. Alors, il ne regarda plus à rien, entra dans la propriété des gens, fit son butin de ce qu'il pouvait attraper. C'était maintenant un garçon, bâti en Hercule, avec des jambes taillées pour la course, des poumons de cheval, un poing à assommer les bœufs. Les jours de kermesse, par défi, il s'amusait à soulever des charrettes d'un mouvement gradué de ses reins de fer, et, dans les bagarres, fracassait tout sous la volée de ses coups. Il avait des marchands et se piquait d'honnêteté en affaires. On l'estimait pour sa manière large de traiter les marchés. Quelquefois, par bravade, il allait lui-même porter son gibier à la ville, trinquant en chemin avec les gardes auxquels il disait ses ruses, leur offrant de leur procurer du gibier pour la table de leur maître. « Débattus, » disait-il, « ils ont débattu, et ils sont 10, 20. Moi, je fais ma battue à moi tout seul. » Et je connais les bêtes par leurs petits noms. Je les appelle, et elles viennent comme à leur mère. » Il raillait les chasseurs, les gardes, les gendarmes, leur promettait du plomb en riant si jamais ils le serraient de trop près. Finissait par leur montrer ses bras nus, avec leurs biceps roulant comme des boules. Il était très surveillé, pourtant. Des gardes s'étaient mis un jour à 4 pour le pincer. Il était monté sur un arbre, avait épié leurs mouvements, entendu leurs projets, et tout à coup leur avait crié d'en haut « Cache après !» C'est-à-dire « Cherche après dans le patois du pays !» Le nom lui était resté, prenant graduellement une consistance de renommée. On le prononçait dans les récits de chasse, aux tablées de cabaret, aux veillées de ferme, avec des pointes contre les gendarmes si c'était des parlottes de paysans, des invectives contre le braconnage si c'était des causeries de chasseurs. et cette célébrité se grossissait de l'impossibilité de le surprendre, de l'impénétrabilité de ses retraites quand il était traqué, d'une queue d'histoire dont il était le héros. Les gens de la campagne l'aimaient, le sentant avec eux dans leurs révoltes sourdes, leurs rancunes inavouées contre l'autorité. Et Cachapret avait la chaude paille de l'écurie les jours où il venait demander la nuitée aux fermes, et en tout temps, de larges chanteaux de pain, de la bière et du café à discrétion. Du reste, il gagnait de l'argent, et les villageois voyaient avec émotion des monnaies blanches reluire dans ses mains. Il avait gardé pour les bois son vieil amour d'enfant, mais depuis qu'il connaissait la gaieté de la bière, le désir de la noce l'attardait dans les bouchons, jouant aux quilles, lampant, s'éjoyant à faire des paris. Il avait l'humeur haute en gueule du wallon. Son rire grêle de gamin s'était changé en une hilarité sonore qui avait l'éclat du cuivre. Et ce rire sortait de sa poitrine, fréquent, puissant, fait pour dominer la rumeur des buveurs sous les tonnelles où on lance la boule. Toute cette expansion de vie semblait se renfoncer au plus profond de son être lorsqu'il était dans la forêt, faisant le guet, tendant ses pièges, posant ses cols, mêlant son immobilité à celle des arbres, et de son oreille encornée, pareille à celle des satyres, recueillant les significations de l'énorme bruissement confus qui traîne dans les crépuscules. Le père Ornu, devenu très vieux, habitait toujours sa masure aux limites du bois. Sa longue carcasse droite se dessinait maintenant en creux avec des hauts reliefs d'os, et il traînait des jambes engourdies par les rhumatismes. Ne pouvant plus monter aux arbres, il fendait à coups de hache le bois coupé par ses garçons, le taillait en bûches en faisant des tas, et petit à petit, la force lui manquant pour cette besogne, il ne s'occupa plus qu'à brouetter les ramées de son pas lent qui chancelait sous la tension de la courroie. Un des fils s'était marié, la sombre hutte avait pris des airs de nichée, et le grand-père, un peu plus délabré à chaque saison, gardait maintenant les enfants, abritant de son lambeau de vie leur grosse petite existence. La forêt se vengeait des outrages qu'il lui avait fait subir, en le desséchant comme une vieille souche déchaussée. Et, par étapes, il s'acheminait à la mort, ayant déjà dans les membres la raideur des trépassés. Un jour, Cachapret, rentrant au logis, trouva le vieux sur un matelas de feuilles, l'œil démesurément ouvert, glacé. Ce fut un lourd ennui pour ces hommes des bois de se conformer aux prescriptions de la loi. D'instinct, ils auraient creusé une fosse dans le hallier, auraient mis le corps dedans, au lieu de courir à la mairie, passer par des tas de formalités, finalement le mener au cimetière commun. Les frères fabriquèrent une bière avec de la volige, étendirent le mort au fond sur une couche de feuilles, puis, tous ensemble s'y mettant, y compris Cachapret et la vieille Ornue, on porta le cercueil. Elle n'avait pas pleuré, la mère. Son dur visage en bois s'était seulement tiré comme les haies d'une douve au soleil. Et elle allait, sa haute taille sèche, pliant un peu sous le poids du cadavre. Cette petite troupe se perdit dans le matin bleu du bois, tous les merles sifflant à la fois comme pour saluer celui qui s'en allait. À la sortie du cimetière, le cadet paya à boire. Jamais il n'avait songé à faire largesse aux siens de l'argent qu'il gagnait si facilement. Il était généreux pourtant, mais ces pauvres gens ayant besoin de peu ne demandaient rien et il ne pensait pas à leur donner. Ce jour-là, il saoula ses frères. Les femmes burent aussi. Il eût voulu saouler tout le village dans son désir de faire quelque chose pour le mort. Seule la vieille Ornue ne toucha pas à son verre. Elle demeura tout le temps immobile, les mains posées sur ses genoux, regardant vaguement le trou noir que faisait l'absent auprès d'elle, sans penser à rien. Le soir venu, comme les garçons ronflaient à terre, ivres morts, Cachapret prit l'un et la vieille prit l'autre. Elle le hissa sur son dos comme elle eût fait d'un sac et le porta jusque chez elle, courbée en deux, les mains robustement posées sur ses hanches. Elle rentrait, son fils sur le dos, dans la maison où elle était sortie le matin, son mari sur les épaules. Et à quelques jours de là, elle mourut à son tour, sans maladie, comme meurent les femelles quand les mâles n'y sont plus. Cachapré reprit sa vie. On ne hante pas les cabarets sans connaître les filles. La fermentation du printemps mettait une flambée dans ses veines. Il se rapprochait alors des étables, des seuils sur lesquels bavardent le soir des garces aux bras rouges. Cette chair mafflue satisfaisait son appétit d'homme, pour qui l'amour est une baffre sur une table de cantine. Il ne voyait rien au-delà de la grosse sensation d'être à deux un instant. La tendresse lui échappait. Le temps des kermesses était surtout pour lui une occasion de s'amuser avec les commères. Il leur payait bouteilles, les bouquets en battant des entrechats, après la contredanse, les entraînait derrière les haies. Il lui suffisait qu'elles fussent amples et dodues, avec des dents propres. Et il n'avait pas connu les fréquentations durables. C'est alors qu'il vit s'épanouir le sourire de Germaine dans un sourire de mai. La fleur des pommiers fit neiger en lui la floraison d'amour. Cela germa comme une graine, monta comme une sève, le remplit des pieds à la tête comme une folie. Il l'aima sans s'en rendre compte, à travers la pluie des étamines, le vol des abeilles et des papillons, la blancheur rose du matin. Comme l'incarnation de tout ce qu'il y avait pour lui de désirable sur la terre. L'ombre des bois, la tiédeur de la plaine, les vergers pleins de fruits, le meurtre, le vol, la liberté. Il l'aima comme un gibier rare et difficile, comme une proie inaccoutumée. Sentant s'accroître son goût pour elle, de la supposer vierge, c'est-à-dire gardée, à l'égal des chasses dont il avait dû escalader les clôtures.